On conviendra, je m'assure, qu'après m'être engoué de M. Bach, qui, tout compté, n'était qu'un manant, je pouvais m'engouer de M. Venture, qui avait de l'éducation, des talents, de l'esprit, de l'usage du monde, et qui pouvait passer pour un aimable débauché. C'est aussi ce qui m'arriva. Et ce qui t'est arrivé, je pense, à tout autre jeune homme à ma place, d'autant plus facilement encore qu'il aurait eu un meilleur tact pour sentir le mérite et un meilleur goût pour s'y attacher. Car Venture en avait, sans contredit. Il en avait surtout un, bien rare à son âge, celui de n'être point pressé de montrer son acquis. Il est vrai qu'il se vantait de beaucoup de choses qu'il ne savait point. Mais pour celles qu'il savait, et qui étaient un assez grand nombre, il n'en disait rien. Il attendit l'occasion de les montrer. Il s'en prévalait alors sans empressement, et cela faisait le plus grand effet. Comme il s'arrêtait, après chaque chose, sans parler du reste, on ne savait plus quand il aurait tout montré. Badin, folâtre, inépuisable, séduisant dans la conversation, souriant toujours et ne riant jamais, il disait, du ton le plus élégant, les choses les plus grossières et les faisait passer. Les femmes, même les plus modestes, s'étonnaient de ce qu'elles enduraient de lui. Elles avaient beau sentir qu'il fallait se fâcher, elles n'en avaient pas la force. Il ne les fallait que des filles perdues, et je ne crois pas qu'il fût fait pour avoir de bonnes fortunes, mais il était fait pour mettre un agrément infini dans la société des gens qui en avaient. Il était difficile qu'avec tant de talents agréables, dans un pays où l'on s'y connaît et où on les aime, il resta borné longtemps à la sphère des musiciens.